بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Que toutes les louanges soient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient, et que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa pure famille, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. On a terminé hier le sujet, alhamdoulilah, inshallah, qu'on a vu les différents, on a vu ça en général, en se basant sur les explications de Cheikh Mohamed ibn Salah al-Uthaymeen, et à propos des fondements, des principes fondamentaux. Et aujourd'hui, inshallah, on va commencer un autre sujet qui correspond au sifat al-munafiqin wa khatarahum, les attributs des hypocrites et leur danger sur la communauté musulmane. Et on va juste commencer l'introduction, en fait, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Et c'était en fait, donc ce cours-là, il a été donné par Cheikh Mohamed Saïd Raslan, Hafidhullah. Donc, en introduction, l'hypocrisie, c'est en arabe, un nifaq. On va essayer de s'habituer avec des termes arabes, comme par exemple, dès que je dis shirk, c'est pour polythéisme, bédara, c'est pour innovation, nifaq, hypocrisie, hein. Salat, donc prière, comme vous savez, zakat, c'est charité, comment, l'aumône obligatoire. Donc l'hypocrisie, nifaq, est un état que beaucoup de gens ignorent. C'est un état qui est caché. La personne se considère comme étant une personne de bien, un musleh, alors qu'en réalité, c'est un mufsid, quelqu'un qui propage le mal. Et l'islam fait face à ce type de personnes. Allah innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction du sens du verset, surat al-Baqarah verset 12, certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Dans sourate As-Saf, qui est chapitre 61 verset 8, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Parce que le rôle de l'hypocrite, c'est d'éclater l'islam de l'intérieur. Le nifaq, l'hypocrisie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Si une personne est touchée par cela, c'est une énorme fitna pour cette personne. C'est un énorme problème. Et les hypocrites, et seulement, j'ai oublié de mentionner que seulement ceux qui ont la miséricorde d'Allah en sont préservés. Et les hypocrites sont les pires ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui meurt dans cet état, il se retrouve dans le niveau le plus bas de l'enfer. Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfali min an-nar. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, qui est le sourate 4, verset 145, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de sauveur. Et les imams du tafsir, lorsqu'ils ont expliqué yani que les hypocrites seront au plus bas niveau de l'enfer, le plus bas niveau de l'enfer, au-dessus d'eux, ce sera les polythéistes et les mécréants. Au-dessus d'eux. Ça veut dire qu'ils sont pires qu'eux. Pourquoi en fait ils ont ce châtiment? C'est parce que les mécréants et les polythéistes qui veulent faire quelque chose sur l'islam, eh bien, leur mécréance, elle est claire et visible. On sait où ils sont, on sait ce qu'ils font et quoi que ça. Mais l'hypocrite, tu ne sais pas. Il y avait des hypocrites qui priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les connaissait pas tous. Mais il en connaissait certains, comme on verra dans le cours de la semaine prochaine, inshallah. Et il avait donné une liste à Hudhayfa sahib al-sir. Hudhayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui détenait le secret avec lui, qui connaissait certains noms de ceux qui étaient hypocrites. Et lorsqu'il a été conseillé, mais pourquoi ne les combattu pas? Pour pas en fait laisser penser les polythéistes de la Mecque, dire, regarde, Mohammed, il est en train de tuer ses propres compagnons, parce qu'ils ne savent pas que c'est les hypocrites ou pas. Et donc eux, sachant qu'ils veulent en fait faire éclater l'islam de l'intérieur et qu'ils sont difficiles à savoir qui est qui, eh bien ils auront le plus dur des châtiments, ils seront au plus bas niveau de l'enfer, en dessous des mécréants et des polythéistes. Parmi ceux qui sont en vie, ils ont suivi le shaitan, le diable, afin d'établir ce que le shaitan souhaite. Et ceux qui sont sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils étudient les attributs des hypocrites par peur d'en être un, ou par peur d'avoir un de leurs attributs. Donc, comme on avait dit, les hypocrites sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont très dangereux sur l'islam et les musulmans. Comme le Cheikh Hafizullah avait dit, Ashaddu khatar ala l'islam wal muslimin. Et dans notre temps, période et siècle, le nombre d'hypocrites et ceux qui les ont suivis ont augmenté énormément. Ils prennent différentes mosquées, apparaissent comme si qu'ils faisaient de la da'wah pour Allah, et leurs plans ont réussi à cause de l'ignorance dans la communauté musulmane. Des personnes ignorantes qui refusent de rechercher le savoir afin de corriger leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne sais pas qui est ton Seigneur, et tu ne sais pas où est Allah, comment tu vas le craindre? Dans un hadith qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rapproché la crainte d'Allah avec le savoir, en disant à ses compagnons, parce que je le dis en français dans le sens de ce qu'il a dit, « Je suis celui parmi vous qui connaît le mieux Allah, et je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah, subhanahu wa ta'ala. » Le plus tu connaîtras Allah subhanahu wa ta'ala, le plus tu le craindras. Si tu appliques ce que tu as appris, comme on avait vu dans le cours précédent. Ce qui est aussi important pour le musulman, c'est d'apprendre sa religion et les problèmes dans la société dans laquelle il vit, qui peuvent avoir un impact dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et d'étudier ainsi les attributs des hypocrites afin de les expliquer aux musulmans. Et l'apprentissage de cela doit se baser sur le Coran, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis à la perfection. Pour ne pas prendre, comme je disais, un verset et l'expliquer de notre tête. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans son livre et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam comment corriger notre foi et notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala afin d'éviter d'être un hypocrite et d'apprendre à être sincère avec Allah. Donc, dans cette, ça c'était une légère introduction qu'il avait donnée au Cheikh. Ensuite, il avait donné en fait le sens du mot nifer. Qu'est-ce que ça voulait dire en arabe? L'hypocrisie. Al-Jawhari, rahimullah, a dit « Al-nifaq, sarabun fil ard mushtaq ». Ça veut dire, c'est en fait un chemin sous terre qui est bifurqué, qui donne en fait sur une autre voie. Ça c'est dans le langage, fil lourd. Donc cela en fait possède une entrée, mais l'entrée c'est pas la même sortie. Parce qu'il y a une bifurcation en fait, que les personnes ne voient pas. Qui suivrait telle ou telle personne qui emprunte ce tunnel pense qu'il y a une sortie, yani le tunnel il est comme ça, il va croire que bon, la sortie elle est là-bas. Donc il va là-bas et il attend l'autre personne. Mais en fait, il l'a perdu en chemin parce qu'en fait, l'autre personne elle a pris l'autre chemin qu'elle a creusé pour sortir dans une autre sortie. Et cela a été appelé munafiq en référence à ceux qui creusent. En ceux qui creusent. Parce qu'avant, yani comme la salette, c'était connu, c'est devenu maintenant un terme islamique. Nifer, c'est aussi devenu un terme islamique. Avant, c'était pas connu comme nifer, yani celui qui est hypocrite. C'était connu comme ceux qui creusent, en fait. Qui creusent les choses sous terre. Comme, par exemple, l'expression qui est donnée, c'est nafaq al-jarbu'a tanfiqan. Le rat a creusé un tunnel sous terre. Et il y a différentes appellations entre les entrées et les sorties. Il rentre dans ce qu'on appelle en arabe les nafiqat, c'est le terme, le nom de l'entrée, nafiqat, et il sort des qasi'at. Et c'est comme cela que l'hypocrite agit. Il entre en islam avec une apparence, et quitte l'islam avec une autre apparence. Et Abu Zayd, rahimullah, rapporté à propos de l'origine du mot nifaq, nafaq al-jarbu' tanfiqan, ay dakhala fi nafiqa'ihi. Le rat a creusé un trou pour essayer de rentrer dans ce tunnel. Donc c'est en fait qu'il creuse ce trou-là pour se faire un tunnel pour échapper dans une autre voie. Et le mot nifer, comme je disais, c'est un mot islamique, mais qui était déjà présent avant, il y en est dans la période pré-islamique, mais les Arabes ne lui donnaient pas cette signification-là en fait. Aujourd'hui, ils l'utilisent pour désigner les hypocrites. Et le sens aujourd'hui de l'hypocrisie, c'est « yustur al-kufr » Il couvre, il protège en fait la mécréance et il fait montrer la foi. Parce que par exemple, s'il est dans un milieu, comme ça, comme on verra inshallah, samedi prochain, inshallah, quand est-ce que ça a commencé dans le détail, dans un lieu où est-ce que par exemple les musulmans sont forts, ou ont une certaine puissance, eh bien, cette personne-là n'accepte pas l'islam. Mais ça ne l'arrangerait pas dans ce qu'elle aimerait faire dans cette vie-là. Donc ce qu'il y a, c'est que elle va montrer l'islam, elle va prier avec les musulmans et tout ça, oui, alhamdoulilah, salam alaykoum, comme quoi je suis pieux, tout ça, mais elle va cacher en elle la mécréance. Yustur al-kufr wa yuzhir al-iman. Il protège, il cache la mécréance, il n'est pas convaincu, mais il cache, il ne va pas le montrer. Et il va montrer en fait la foi. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on va terminer en fait sur ce point-là d'Ibn al-Qayyim, je vais commencer. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « An-nifaq amran khafiyan » L'hypocrisie, c'est un état qui est caché. C'est difficile à savoir. C'est un état qui est caché. « Yukhfa ala an-nas » Il est caché. Les gens disent, c'est difficile pour eux de le voir. Donc, ça veut Donc l'hypocrisie, c'est un état qui est caché, mais il est encore plus caché pour celui qui est déjà un hypocrite. Celui qui est un hypocrite, en fait, il ne va pas croire qu'il est un hypocrite. C'est complètement caché pour lui. C'est pour ça que c'est une maladie qui est très grave. Et c'est un état pour celui qui n'est pas un hypocrite qu'il ne sait pas. Et on verra, Inch'Allah, dans les cours de la semaine prochaine, Inch'Allah, samedi, dimanche, Inch'Allah, dans le détail, Inch'Allah, comment ça a commencé et quelles sont les sourates qui mentionnent l'hypocrisie et comment se comportaient les compagnons. Et on va voir les attributs aussi, Inch'Allah. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك